Elles ont un nom qui intrigue. Elles sont en train de devenir l'objet de nouvelles guerres commerciales. Et la question est si chaude qu'elles font déjà l'objet de tractations stratégiques. De quoi s'agit-il? Pour en discuter, je reçois Adeline Parent qui nous parlera des terres rares. Bonjour Adeline. Bonjour François. Alors Adeline, qu'est-ce que les terres rares? Les terres rares sont un groupe de métaux. Ils se composent des 15 éléments de la série des lanthanides et deux éléments en plus, le scandium et l'yttrium. Ces éléments se situent dans la colonne 3, dans le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, juste au-dessus des actinides qui regroupent les éléments radioactifs. Sous forme élémentaire, les terres rares ont un aspect métallique et sont assez tendres, malléables et ductiles. Ces éléments sont chimiquement assez réactifs, surtout à température élevée ou lorsqu'ils sont finement divisés. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle terres rares? Le nom terres rares vient du fait qu'on les a découverts au début du 19e siècle dans d'autres minerais, d'où le nom de terre, utilisé à l'époque en français puisque c'était la langue des échanges internationaux pour les oxydes. Terre signifiait donc minerai. On se doute qu'au 19e siècle, l'exploitation commerciale des terres rares était compliquée puisque ces minerais étaient difficiles à séparer de leurs minerais hôtes et de plus, ils étaient encore assez peu courants, d'où le terme final de terre rare, soit minerai rare. Mais aujourd'hui, l'expression terre rare porte à confusion, puisque certains éléments sont plus communs que les minerais courants, comme par exemple l'abondance du cérium est équivalente à celle du cuivre. Seul le scandium, le dysprosium et le terbium sont réellement rares. Il n'y a donc pas de rareté géologique à proprement parler. Actuellement, ce qui fait surtout leur rareté, c'est qu'ils sont difficiles à produire et ne sont rentables que si on les trouve en grande concentration, puisqu'en fait, les terres rares sont souvent un sous-produit d'une mine dédiée à un autre minerai, comme par exemple le scandium est un sous-produit de la purification de l'uranium. Mais au fait, à quoi servent les terres rares? Sans terres rares, pas d'iPod, pas d'écran plasma ni LCD, impossible de produire une voiture hybride ou électrique, pas d'ampoule écologique, basse consommation. Les terres rares sont utilisées dans des applications technologiques et industrielles, comme par exemple la catalyse pour le raffinage du pétrole en essence, les lasers de guidage pour les applications militaires, la radiographie médicale pour la santé, la catalyse automobile pour par exemple le contrôle des émissions des véhicules d'essence et l'élimination des particules diesel, le polissage des écrans plats, les luminophores, en particulier le terbium qui est utilisé dans les ampoules fluocompactes et les fameuses diodes électroluminescentes. Donc, ils ont des applications un peu partout dans toutes sortes de C'est ça. domaines. Certaines technologies en cours de développement demandent des terres rares, par exemple la supraconduction avec l'yttrium ou la réfrigération magnétique avec la gadolinium. Quant aux moteurs électriques, ils tourneront dans le futur avec des aimants permanents fabriqués à partir de néodyme. Au niveau des applications, toute la spécificité des terres rares tient dans leur structure électronique particulière qui induit des propriétés chimiques, structurales et physiques uniques. Ces propriétés sont mises à profit dans les applications industrielles aussi variées que sophistiquées, comme par exemple la métallurgie, catalyse, verre, optique, céramique, luminescence, magnétisme et j'en passe. Nombre de ces éléments possèdent des propriétés uniques en leur genre qui les rendent utiles dans de nombreuses applications. Ainsi, l'utilisation des terres rares s'est accrue depuis la fin du XXe siècle. C'est drôle aussi parce que je m'aperçois qu'ils ont tous aussi des noms très particuliers. Oui. Mais est-ce que l'exploitation des terres rares est sans danger pour l'environnement? Eh bien, c'est ça le bémol. Même si les terres rares sont utilisées effectivement pour des applications bio, comme par exemple les ampoules fluocompactes, les moteurs électriques à aimant permanent ou autres, l'extraction des terres rares est un vrai danger. Pas uniquement sanitaire pour les ouvriers qui travaillent sur des sites d'extraction, puisqu'il a été prouvé par exemple que les particules de certaines des terres rares pouvaient être aussi toxiques que l'amiante, et on sait ce que Ça, ça a c'est qu'on fait, peut le dire, effectivement. mais également ça a des gros problèmes environnementaux. En fait, les applications industrielles des terres rares se font à des niveaux de pureté très très très très très élevés, jusqu'à 99,9999% pour par exemple les luminophores. Or, le produit minier brut est un mélange de ces 17 terres rares, ou accompagné d'un autre d'ailleurs, et c'est généralement appelé Mischmetall, mélange de métaux en allemand. Il faut un grand nombre d'opérations pour obtenir d'abord la séparation de ces éléments, des uns des autres, puis l'atteinte d'un tel niveau de purification. Donc chaque passage implique de plus en plus de rejets et de plus en plus polluants, puisque les terres rares sont souvent associées par exemple à la radioactivité. Il y a donc un certain paradoxe entre l'utilisation des terres rares pour les énergies renouvelables, c'est leur application, et leur procédé d'obtention qui est très très polluante. Est-ce que l'impact sur l'environnement est vraiment si dramatique que ça? Je vais citer une seule ville, Baotou, en Mongolie intérieure, à 650 km à l'ouest de Pékin. Cette ville est considérée comme la capitale mondiale des terres rares. La moitié des terres rares est extraite des fameuses collines de Baotou. La mine principale de Baotou est à ciel ouvert. On y croise des centaines et des centaines de camions et de bulldozers géants qui transportent des tonnes et des tonnes de gravats en direction des raffineries. Les mineurs travaillent le plus souvent sans aucune protection. On est quand même dans un pays en voie de développement. Avec un simple masque qui leur barre le visage, alors que l'air est saturé de poussière. Et comme on l'a dit, certaines pouvaient être extrêmement toxiques. Donc il y a une augmentation des cas de mort dus à un cancer des poumons. Et on ne parle même pas des problèmes respiratoires. Le raffinage, lui, se passe un peu plus loin, ailleurs. Mais on peut voir des boues noires s'échapper des bâtiments et se déverser dans le grand lac au nord de cette fameuse ville. Ce lac de stockage, qui n'était pas un lac de stockage au début, des produits toxiques, a provoqué une pollution des nappes phréatiques qui affecte les puits forcément de l'ensemble des villages environnants, de l'élevage, l'agriculture, la santé des habitants. De plus, ce lac se situe non loin d'une encablure du fleuve jaune, le Yangtze-Tiang, qui alimente en eau quand même une grande partie du nord de la Chine, si ce n'est quasiment toute la Chine à dire vrai. Les digues construites qui sont censées éviter les débordements de ces boues polluantes, justement, elles n'ont rien à faire dans l'histoire de retenir les poussières radioactives. Alors que la Chine ne détient que 37% des réserves connues en terres rares, ça c'est ce qu'elle indique, elle en a quand même produit 95% ces dernières années. Pourtant, les réserves importantes existent aux États-Unis ou ici, au Canada, en Australie ou encore même au Brésil, mais ces pays ont abandonné depuis bien longtemps l'extraction en raison justement de ces problèmes de pollution. Et est-ce qu'on leur connaît des produits de substitution? Les substitutions sont peu nombreuses en dehors de remplacer un type de terre rare par un autre type de terre rare. À la place des aimants permanents au néodyme, on peut quand même par exemple se contenter des aimants ferrites, mais évidemment la qualité et les rendements n'ont rien à voir. On peut par contre aussi noter qu'il y a des batteries nickel hydrure métallique qui contiennent du lanthane, qui seront elles progressivement changées et substituées par des batteries lithium-ion. Par contre pour le recyclage, c'est pas facile à réaliser. Les quantités sont souvent très très faibles, les quantités de terres rares à l'intérieur des produits, comme par exemple les luminophores, ou alors elles sont sous forme d'alliage avec quelque chose d'autre, pour par exemple les micromoteurs électriques, donc pas facile à séparer pour le recyclage. Pour les produits à fort contenu en terres rares, comme par exemple les gros moteurs électriques à aimant permanent, des éoliennes, il n'y a pas encore de politique de recyclage. Si vous voulez en savoir plus justement sur la pollution des terres rares, je vous propose d'aller sur ecoinfo.cnrs.fr ou sinon de nous rejoindre sur notre site Facebook Futur Simple. Alors Adeline, je crois que tu nous as préparé une suite à ce reportage. Oui, bien sûr. Qu'on entendra dans quelques semaines. J'espère. En tout cas, la prochaine fois, je vous parlerai de la localisation de ces gisements de terres rares et surtout de leur impact géopolitique. Merci infiniment. Merci François. À bientôt. Au revoir.